Dieu. Reçois la présence de Dieu, Seigneur. Que Dieu seul prenne contrôle de toutes choses. Alléluia. Il prend contrôle de toutes choses. Avec notre intelligence, c'est difficile d'évoluer. Mais avec le Saint-Esprit, il est possible de nager dans le surnaturel. Avec le Saint-Esprit, au travers le Saint-Esprit, il est possible de faire l'impossible. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Est-ce que tu peux lever les noms de l'Éternel? Est-ce que tu peux commencer à adorer le Dieu, celui qui t'a donné la vie ce matin, celui qui mérite d'être levé, celui qui mérite d'être levé, celui qui mérite d'être levé, celui qui mérite d'être levé. Alléluia. Portez les vœux lentos. Alléluia. Que le roi des rois fasse son entrée. Et notre linteau doit être élevé à la taille de celui qui va faire son entrée. À la taille de celui qu'on appelle Yeshua. Puissant et fort. Puissant et fort. Puissant et fort. Alléluia. Puissant et fort. Alléluia. Puissant et fort. Jésus. Porte élevé vos linteaux. Élève ton linteau à la taille de celui qui va faire son entrée. Seigneur, nous te rendons grâce. Pendant ton accord de chez Asif. Merci pour ta présence. Santé, quoi, oui, pour accord. Merci pour ta bonté. Asante kwa wema wako. Merci pour ta miséricorde. Asante kwa rema. Mon âme bénit l'Éternel. Nafsi yangu inabariki Bwana. Tous ceux qui à moi bénissez son saint nom. Yote na kuwa ndani mwangu ibariki jina yake takatifu. C'est lui qui nous pardonne toutes nos iniquités. Mwenye anatusame maovu yetu wote. C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. Mwenye anatuponya na magonjwa yote. C'est lui qui délivre notre âme de la fosse. Mwenye anafungua tena nafsi yetu toka ndani ya shimo. Il nous fait rajeunir comme l'aigle. Père, merci. Baba, accent. Tu es digne de recevoir l'adoration ce soir. Tu es digne de recevoir, Seigneur, la louange. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire. Oui, Seigneur, qui suis-je devant toi? Qu'est-ce que l'homme devant Dieu? Celui qui est né de la femme. Peux-tu être pur devant toi? Peux-tu être juste devant toi? Notre justice est comme un vêtement souillé. Oh, qu'est-ce que l'homme devant Dieu? Nous ne sommes rien devant toi. C'est pas ton sang précieux que nous nous tenons debout. Que ton sang nous sanctifie. Oui, que ta parole nous sanctifie. De nous accepter ce soir. Oui, Seigneur, nous nous sommes approchés de toi. Approchez-vous de nous. Car ta présence nous fait du bien. Ta présence nous bénit. Ta présence nous transforme. Ta présence nous délivre. Ta présence nous guérit. Merci, Seigneur. Accente bois. Reçois l'honneur. Pokea ishima. Reçois la gloire. Pokea utukuf. Reçois la puissance. Pokea uwezo. Le règne pour des siècles et des siècles. Nous disons et nous prions Amen. Tunasema amina. Pour le roi des rois. Japa kofi kwa ajili ya Mungu wetu. Prenons nos Bibles, nous sommes dans Actes chapitre 4. Tunabeba ma Biblia yetu tunakuwa mu kitabu kia Matendo ya Mitume sura 4. Nous lisons le verset 10 seulement. Tunasoma verset ya 10. Sachez-le tous. Basi mtambue haya nyinyi zote. Et que tout le peuple d'Israël le sache. Na taifa nzima ya Israël itambue haya. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, kupitia jina Yesu Kristo wa Nazareti, que vous avez crucifié ule mwenye mulitundika, et que Dieu a ressuscité des morts. Na mwenye Mungu alifufua toka wafu. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ni kupitia yeye kwa huyu mtu anajitambulisha mu afya njema mbele yenu. Merci Seigneur pour la parole de ce soir. Asante Bwana kwa neno ya jioni ya leo. Nous croyons que tu vas nous bénir. Tunaaminia utatubariki. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous aider. Acha Roho Mtakatifu kutusaidia. Du début jusqu'à la fin. Mwanzo mpaka mwisho. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Tunabariki Bwana. Le maître des temps et des circonstances. Lui qui a accepté que nous puissions encore nous retrouver ce soir. Nous bénissons aussi le surintendant. Parce que c'est lui aussi qui a accepté que nous puissions encore nous tenir devant vous. Nous bénissons aussi votre présence. Aujourd'hui, c'est un vendredi de prière. Prier, c'est parler à Dieu. Nous sommes venus parler à Dieu. Nous sommes venus communiquer avec notre Dieu. Tout dépend de votre disposition du cœur. J'aimerais que vous puissiez disposer votre cœur à pouvoir le répandre ce soir devant Dieu. L'histoire que nous avons ici, elle est bien connue. Elle se retrouve dans Actes chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Nous sommes aussi venus ici. Ils montaient ensemble au temple. Vous et moi, nous sommes aussi montés ensemble à l'heure de la prière. Il y avait là un homme boité de naissance, comporté et complacé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Ici nous voyons le courage, odari, et même l'amour de ses frères na mapendo ya ndugu zake qui les portait chaque jour wenye walikuwa nampeleka kila siku pour les placer devant là-bas kwa kumweka mbele ya mlango dit tous les jours nasema kila siku tous les jours kila siku. Pourquoi il l'amenait là-bas? Pour qu'il aille mendier. Demander l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Imaginez-vous. Ses frères ne s'étaient pas fatigués. Il les portait chaque jour pour le placer devant le temple. Peut-être chaque jour il recevait quelque chose quand il demandait. Et ça pouvait aussi servir sa famille. Na ilipasha tena kusaidia jamala yake. Il n'entrait pas dans les temples chercher Dieu. Asikuingia mu hekalu kwa ajili ya kutafuta Mungu. Mais nous, lakini sisi, nous venons dans les temples. Tunakuya na tunaingia ndani ya hekalu chercher Dieu. Kwa ajili ya kutafuta Mungu. Demander à Dieu. Kuomba mbele ya Mungu. Si les gens avaient pitié de cet homme-là, kama watu walikuwa na huruma kuhusu huyu mtu, pour lui donner quelque chose, kwa ajili ya kumpatia kitu mwa fulani, chaque jour, kila siku, moi aussi je crois que notre Dieu, mie naaminia kusema Mungu wetu, si nous nous présentons aussi devant lui chaque jour, tujionesha mbele yake kila siku, Dieu il est plus que l'homme, Mungu anakuwa zaidi ya watu. Il ne manquera pas aussi à nous donner quelque chose. Ashitapusa kitu kya kuweza kumipatia. Alléluia. Amina. Amen. Amen. De la même manière que ce boîtier avait reçu quelque chose ce jour-là, j'aimerais aussi que ce soir, vous puissiez aussi recevoir quelque chose de la part de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Chaque jour, il recevait l'argent. Kila siku alipokea fedha. Mais la kini, l'argent qu'il recevait là, fedha yenye alipokea, n'arrivait pas à répondre aux vrais besoins. Haikufika mukujibu kulazimisho yake ya kweli. Il ne savait même pas son vrai besoin. Na asikujua hata ni nini analazimisha kweli. Il était boité. Yeye alikuwa kiwete. On lui donnait peut-être quelques pièces d'argent. Walikuwa namupa fedha chache. Il n'arrivait pas à répondre na à son vrai besoin. Fika kujibia kulazimisho yake ya kweli. C'est la vérité. Iyo ni kweli. Ça prouve que réellement que l'homme est faible. Inakuwa naonesha kusema mtu ni mzaifu. Parfois il ne connaît même pas ses véritables besoins. Mara ingine asijue hata ni nini anahitaji ya kweli. Dans Romains 8, le verset 26, Mwa Roma mnane vesi ya 26, il est dit ceci. Inasema hivi. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Vile vile tena roena tusaidia ndani ya uzaifu wetu. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Kwa maana atujue ni nini inatuelekea kuomba ndani ya maombi yetu. Mais l'Esprit lui-même, lakini roho mwenyewe, intercède par des soupirs inexprimables. Anafanya maombezi yenye aisikiliki. Car nous ne savons pas, inasema kwa maana atujui, ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ile inatuelekea mukuomba mu maombi zetu. Le boîtier là, huyu kiwete, il ne savait pas, asikujua, ce qu'il pouvait demander. Ni nini alipasha kuomba. Lui demandait l'argent. Ye alikuwa naomba fedha. L'argent ne répondait pas à tous ses besoins. Fedha haikujibia kumalazimisho yake. Ce jour-là, il est siku. Il a encore demandé l'argent. Akaomba tena fedha. Mais Pierre et Jean, lakini huyu Petro na Yohano, lui ont dit ceci. Basi wakamwambia hivi. Nous n'avons ni argent ni or. Atuna hata fedha wala zahabu. Mais ce que j'ai, lakini kile niko nakyo, je te le donne. Nakupatia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Lève-toi et marche. Si mama na utembe. À notre Dieu. Ce Mungu wetu. Celui que nous sommes venus chercher ce soir. Tunakuja kutafuta jioni ya leo. Il connaît votre vrai besoin. Anajua lazimisho yako ya kweli. Vous allez demander autre chose. Wewe utaomba kitu kingine. Mais Dieu que nous sommes venus chercher. Lakini Mungu mwenye tunakuja kutafuta. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Connaît votre propre le vrai besoin. Anajua lazimisho yenu ya kweli. Il connaît votre besoin. Anajua lazimisho yenu. Le vrai besoin. Lazimisho ya kweli. Il le connaît. Anayajua. Ce soir, jioni ya leo, si nous ne savons pas demander à Dieu, kama atukuomba que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu vienne nous aider ce soir, atusaidie Dieu, à la prière de ce soir, maombi ya magharibi, nous puissions recevoir ce qui convient yenye inatuelekea. Alléluia. Amina. Ce jour-là, il est sick. Il a reçu quelque chose, alipokea kitu fulani, différentes des choses qu'il y recevait chaque jour, kilikuwa tofauti na yote alipokea kila chose qu'il a reçu, na kitu kenye alipokea a révolutionné sa vie. Il pata kuleta tena ujumbe. À partir de ce jour-là, oh tangele sick, il a cessé d'être mendiant. Oh aliacha kuomba. Ah, il est devenu valide. Atakuya tena mutu. Et Dieu aussi te donne. Na mutu anakupa. Tu ne connais pas là. Yenye aujue. Le Saint-Esprit. Rome ce soir. Jioni ya leo. Va aussi intercéder. Itakusa. À votre place. Panafazi. Au nom puissant de Jésus. Mujina la Yesu. Alléluia. Amen. Prions pour le Saint-Esprit parce qu'il est au milieu de nous. Nous allons d'abord acclamer pour lui parce qu'il est au milieu de nous. Il va nous aider dans la prière de ce soir. Le Saint-Esprit va nous aider. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a un verset que nous allons lire qui va nous aider à entrer dans la prière. Nous prenons Ésaïe chapitre 38. Tu n'as pas Isaïe sura 38. Tu n'as pas Isaïe sura 38. Le du premier verset. Kwanja verset yake ya kwanja. Jusqu'au verset 5. On se limite d'abord par là. Mpaka verset ya 5 tunasimamia pale. En ces temps-là. Kwa hiyo wakati. Ézéchias fut malade à la mort. Basi Ézéchias yeye alikuwa mgonjwa karibu kufa. Parce que les sous-thèmes qu'on nous a donné, kwa maana shina ndogo yenye wale tupati, nous sommes en train de développer. Nene tunakuwa tena nenyenda na keto. C'est être en pleine santé. Ni kuwa ndani ya afya njema. Être en pleine santé. Kujikuta ndani ya afya njema. La bonne santé. Afya mzuri. Ici, il s'agit d'un roi. Pas une simple personne comme nous. Un roi. Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, mwana wa Amon, vint auprès de lui. Et lui dit, na kumwambia, ainsi parle l'Éternel. Imesema wa milele. Donne tes ordres à ta maison. Basi leta marusa nyumbani mwako. Car tu vas mourir. Kwa maana utafariki. Et tu ne vivras na hauwezi kuishi tena. Ainsi parle l'Éternel. Hii imesema Bwana wa majeshi. Donne tes ordres à ta maison. Leta marusa nyumbani mwako. Car tu vas mourir. Kwa maana utafariki. Et tu ne vivras plus. Na hautaishi kamwe. Imaginez-vous. Fikilieni. Si c'était vous et moi. Kama ilikuwa ni wewe na mie. Un prophète il vient. Nabi anakuya. Il donne cette prophétie là. Na analeta ile utabiri. Qu'est-ce que vous allez faire? Ulipasha kufanya nini? Mungu anasema. Je adi. Laka nyumba yako. Promets à ta maison. Si tu ne vas pas vivre, tu ne vivras plus. C'est ce que Dieu dit. Qu'est-ce que vous allez faire? Mettez-vous d'abord à sa place si c'était vous. Comment allez-vous réagir? Je pense. Fikili. On aurait commencé à courir. Tu peux même commencer à pleurer. Oh, venez me voir. Mungu anasema mimi nafuka. Et bien tu veux te bibakie. Que toutes ces choses vont rester. C'est un roi. Wafalme wengine. On suppose qu'un roi peut avoir tout le nécessaire. Weka kama mfalme anaweza kuwa na yote wezekana. On suppose qu'un roi pour peut avoir tout le nécessaire. Il a l'argent en banque. Anakuwa na fedha ndani ya banki. Il a les maisons. Anakuwa na manyumba. Maintenant il regarde les biens qu'il a. Sasa anaangalia mali yenye anakuwa nayo. Il a en banque. Fedha yenye anakuwa nayo. Itakufalia. Je mourrai aujourd'hui. Commence à pleurer. Ananja kulia. Tu as dit que je vais mourir. Sema utakufa de cette maladie. Na hii ugonjwa. Continuons avec la lecture. Endelea na usome. Le verset 2. Verset ya pili. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Basi Ézéchias akageuza uso wake ndani ya kibambazi. Et fit cette prière à l'Éternel. Na kafanya ombi hii mbele wa milele. Ézéchias n'a pas obéi à l'ordre du prophète, hein? Ézéchias asikuti kurusa ya nabii. Il n'a pas réuni sa maison pour donner les ordres. Asikuita nyumba yake kwa ajili ya kuleta marusa. Il s'est comporté Il a tourné son visage contre lui. Il a commencé à prier. Alléluia. Amina. La prière. Ma ombi. La prière. Ma ombi. Peut changer le cours de votre histoire. Il n'a pas de couper histoire. Que vous puissiez prier. Ombi. Que la prière de ce soir change votre cours de l'histoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il a prié. Aka omba. Ô Éternel, écoutez sa prière. Ô Éternel, wamilele. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Bas Ézéchias akalia sana. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe en ces mots. Pia tena neno ya milele dikalionesha kwa Isaya kwa imisemo. Va et dit à Ézéchias. Enda na uambie Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. I inasema wa milele. Le Dieu de David ton père. Mungu wa Daudi baba ya. J'ai entendu ta prière. Meskia ma ombi yako. J'ai vu tes larmes. Na mina ona machozi yako. Ce soir. Jioni hii. Que Dieu. Mungu. Écoute ta prière. Askie ma ombi yako. Et qu'il voie les larmes que vous allez verser. Na aone machozi yenye mutamwanga. On ne pleure pas seulement devant les cadavres. Atuliake tumbele ya vitumba. On doit pleurer aussi devant Dieu. Tunapacha kulia pia mbele ya problème qui nous casse. Wakati kuko mambo yenye tukusa. Mais n'est pas un problème. Tunapitiliwa na mambo fulani. Sans qu'on souffre. Tunataka kusema tunatesa. Quand vous sentez réellement que vous souffrez. Wa kweli tena unatesa. Que la vie touche à sa fin. Na maisha yanafika mwisho. On prie. Unaomba. Avec larmes de prière. Pamoja na machozi. Prie avec l'âme de prière. Tu omba pamoja na machozi. Comme Ézéchias a prié. Kama tena Ézéchias c'est li tout un roi. Ni mufalme. Un roi. Mufalme. Aujourd'hui c'est comme un président. Leo ni kama raisi. Président qui prie devant Dieu. Raisi mwenye anaomba analia. Il pleure. Analia. Il verse les larmes. Anamwanga machozi. Il refuse de mourir. Anakatala kufwa. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Nous allons apprendre quelque chose seulement au verset. Au verset de là, on prie. C'est un verset prière. L'histoire ici d'Ézéchias nous enseigne beaucoup de choses. Mais ce soir, un seul point là, un seul point, un seul point. Nukta moja. Quel est ce point-là? Ni nukta kani. Apprenons. Tujifunze. À écrire. Kwa kuandika. Notre propre livre de souvenirs. Kitabu kietu kia ukumbusho. Amen. Amen. Apprends. Ujifunze. A écrit kwa kuandika ton propre livre kitabu kiako kia de souvenirs kia kumbusho. Avez-vous déjà écrit votre livre de souvenirs? Et tu meshaandika kitabu kia kumbusho. Bien aimé dans le Seigneur. Mupendwa ndani ya Bwana. Bien aimé dans le Seigneur. Wapendwa ndani ya Bwana. Être en bonne santé. Kuwa ndani ya afya nzuri. Dépend de beaucoup de choses. Inaelekea vitu nyingi. De beaucoup de facteurs. Vitu nyingi mafadhili nyingi. Mais ce soir. Lakini jioni. L'histoire d'Ézéchias. Hadithi ya Ézéchias. Nous apprend une chose. Inatufundisha kitu moja. Que nous devons apprendre. Yenye tunapasha kujifunza. Kwa kuandika. Votre propre livre de souvenirs. Kitabu kia kumbusho. Bien aimé dans le Seigneur. Mupendwa ndani ya Bwana. Apprends. Ujifunze. A écrire. Kwa kuandika. Votre propre livre. Adisi au kitabu. Livre de souvenirs. Kitabu kia kumbusho. Livre de souvenirs. Kitabu kia kumbusho. Livre de souvenirs. Kitabu kia kumbusho. Quand le prophète est venu donner la parole de l'Éternel. Kuleta neno ya c'était vrai. Il méritait de mourir. Alipasha kufariki. Il allait mourir. Alipasha tu kufariki. C'était son livre de souvenirs. Kama tu aikukua kitabu cha kumbusho. Allait mourir. Oh, huyu mtu alipasha kufariki. Alléluia. Amina. Avez-vous votre livre de souvenirs? Et tu nakuwa na kitabu cha kumbusho. Avez-vous déjà écrit votre livre de souvenirs? Et tu na kitabu cha kumbusho. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendo ndani ya Bwana. Avez-vous déjà écrit votre livre? Et tu na kitabu. Livre de souvenirs. Kitabu cha kumbusho. Les livres de souvenirs. Kitabu cha kumbusho. Ce soir, Dioni, si vous avez votre livre de souvenirs, kama una kitabu chako cha kumbusho, vous allez commencer à rouler les pages ce uta soir. Utaanza tu kupitisha makaratasi. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour le Seigneur? Et tunaweza shangilia Bwana. Si vous avez votre livre, ukiwa na kitabu votre livre de souvenirs, kitabu cha kumbusho, Dioni, vous allez rouler les pages. Utaanza kupitisha karatasi. Utapitisha karatasi. Vous n'allez pas prier en l'air. Utaomba mbule. Atutaomba mpepo. Inapasha kuwa na kitabu kia kumbushu. Livre de souvenirs. Kitabu kia kumbushu. Livre de souvenirs. Kitabu kia kumbushu. Avez-vous déjà écrit votre livre? Eti umesha andika kitabu. Alléluia. Amina. Les gens doivent lire dans ce livre là. Watu anapasha kusoma mkile kitabu. Et Dieu lit aussi dans ce même livre. Na Mungu anakuwa nasoma mkile kitabu. Quel était le contenu de son livre? Ni nini ilikuwa ndani ya hiki kitabu? Quel était le contenu du livre d'Ézéchiel? Le contenu est au verset 2. Yenye litikuta mkitabu inakuwa ku verset ya pili. Verset 3 plutôt. Na verset yake ya 3. Ô Éternel. Hey, Bwana wangu. Souviens-toi que. Basi kumbuka kama. J'ai marché devant ta face. Nilitembea mbele ya uso wako. Fidélité et intégrité. Ya uwaki na unyorokevu. Alléluia. Amina. Première chose. Kitu kia kwanja. Contenu de Ezekias de son livre. Kilikuwa ndani ya kitabu ya Ezekias. Ezekias a marché devant Dieu. Ezekias alitembea mbele ya Mungu. Avec intégrité du cœur. Pamoja na unyorokevu wa moyo. Avec fidélité. Na uaminifu. Est-ce que nous sommes capables? Eti tunaweza. De prononcer ces paroles devant Dieu. Kusema haya misemo mbele ya Mungu. Est-ce que nous sommes capables? Eti tunaweza. Dire à Dieu. Kusema kwa Mungu. Moi Serafin. Mie Albert. Ah, j'ai marché devant toi Dieu. Nilitembea mbele yako Mungu. Avec intégrité du cœur. Pamoja na unyorokevu. Avec fidélité. Na uaminifu. Ezekia. Il a lu, il a ouvert son livre. Alifungua kitabu. Pour rappeler Dieu. Kwa ajili ya kukumbusha Mungu. Dieu. He Mungu. Souviens-toi. Basi kumbuka. Et moi Ezekia. Na kusema mie Ezekia. Nilitembea. Devant ta face. Mbele ya uso wako. Avec fidélité. Pamoja na uaminifu. Intégrité. Na unyorokevu wa moyo. Un cœur intègre. Moyo yenye na kuo nyorekefu. C'est un cœur pur. Ni moyo takatifu. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux kwa wenye wanakuwa na moyo safi. Ils verront Dieu. Kwa maana watahona Bwana. Si tu as le cœur pur. Kama una moyo safi. Utahona Mungu. Ce soir tu vas voir Dieu. Leo napenda kwa. Unapenda kuona Mungu kushuka maisha. Kugusa maisha yako. Si tu as un cœur pur. Kama una moyo safi. Tu vas descendre dans ta vie. Mungu atashuka maisha yako. Na kugusa maisha yako. Alleluia. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux wenye wanakuwa na moyo safi. Ils verront Dieu. Wataona Bwana. Wataona Bwana. Vous allez voir Dieu. Utaona Mungu. Kama moyo wenu ni safi. Avec fidélité. Pamoja na uaminifu. Est-ce que nous sommes fidèles? Eti tunakuwa waaminifu? Je prends seulement un exemple. Na beba mfano moja. Sommes-nous fidèles? Eti tunakuwa waaminifu? Seulement au programme de l'église. Inakuwa tu ku mipango ya kanisa. Rentrons en Acte chapitre 3. Turudie mu Matendo sura ya 3. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Pierre et Jean. Petro na Yohano. Montaient au temple. Awa walipanda pamoja kanuni. L'heure de la prière. Wakati ya maombi. L'heure de la prière. Wakati ya maombi. L'heure du culte. Wakati ya ibada. L'heure du culte. Wakati ya maombi. L'heure de répétition. Wakati ya marudilio. Wakati ya makutano. Eti tuko waaminifu. Eti tunakuwa waaminifu. Wakati ya ibada. Wakati ya marudilio ya nyimbo. Eti tuko waaminifu. Kwa makutano yetu. Eh, ile tu. Kwa ile tu. Ile tu. Je n'évoque pas autre chose. Seulement ça. Il est nous tatou. C'était la 9e heure. Il y coua sa tissa. Amen, Église de Dieu. Amen. Amen, Église de Dieu. Amen. Parce que venir au culte, c'est répondre au rendez-vous avec un grand Dieu. Inakuwa kujibu kumakutano pamoja na Mungu mkubwa. Le Dieu qui nous a créé. Mungu mwenye alituumba. Le Dieu qui a dans sa main notre souffle. Mwenye anakuwa na mkono yake uzima wetu. Tout ce que nous faisons là. Yote tunafanya. C'est rien, c'est vanité. Ni bia kupita. Si dit que niet aujourd'hui. Akisema kuna aisha leo. Aujourd'hui sera fait. Leo sera aujourd'hui. Leo. Aujourd'hui à 19h. Leo mudisnebe. Tu ne seras pas là. Au staku yako. Hata kama banapanda na wewe avion. Même si on monte avec toi dans l'avion. Même si on part aussi, on va rentrer avec cadavre. Hakuna kintu. Même si on te portait aller avec toi, les médecins de l'Inde vont te guérir. Tu rentreras tel que tu étais parti. Ok. Dio. Allez de culte. Wakati ya ibada. Nous venons au rendez-vous. Tunakuya kumakutano. Avec le Créateur. Pamoja na Bwana. Avec notre Créateur. Pamoja na Mumbaji wetu. Chacun de nous. Kila mumoja wetu. Doit. Anapasha. Kumbusha. Kujiangalia. Que je m'interpelle. Deuxième contenu. Kitu kya pili kilikuwa ndani ya kitabu. Il dit ceci. Anasema hivi. Je fais ce qui est bien. Il a fait ce qui est bien. Alifanya yenye ilikuwa kiema. Aux yeux de l'Éternel. Bele ya wa milele. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Na nilifanya yenye ilikuwa mema mbele ya macho yako. Prenez des chroniques chapitre 29. Bebe mambo ya siku sura ya 28. En commençant par le verset premier et le suivant, même le verset 2. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Ézéchias kawa mufalme ku miaka ya 25. Il y régna 29 ans à Jérusalem. Akatawala miaka 29 ndani ya Yerusalem. Sa mère s'appelait Abidja. Mamae aliitwa Abidja. Fille de Zacharie. Binti wa Zacharie. La première année de son règne. Basi mwaka wa kwanja wa utawala wake. Au premier mois. Kumwezi wa kwanja. Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Akafungua milango ya nyumba wa milele. Et les répara. Na kuyatengeneza. Il fit venir les sacrificateurs. Akaita wakuani. Les lévites. Wale walawi. Il assembla dans la place orientale. Akawaweka tena kufazilikuwa mashariki. Akawaambia. Écoutez-moi, lévites. Munisikie nyinyi wala. Maintenant sanctifiez-vous. Sasa hivi mujitakase. Sanctifiez la maison de l'Éternel. Takaseni nyumba milele na yaya wa baba zenu. Et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Na muweke yenye nakuwa ichafu juu ya hii tena fazi ya sadaka. Ont péché. Kwa maana baba zenu walitenda dhambi. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Walifanya yenye likuwa mabaya mbele ya macho. Ils ont abandonné. Wakamuacha. Na shimamia mbele pala. Je m'arrête pas là. Il a fait beaucoup de choses. Akafanya mambo mingi zaidi. Hein? la purification du temple. Quand vous lisez du premier verset jusqu'au verset 19, c'était la purification du temple. Et à partir du verset 20 jusqu'au verset 36, il a fait ce qu'on appelle la réconsécration du temple. Le temple était fermé. Kusema ekalu ilikuwa ya kufunga. Les gens n'y allaient plus. Watu hawakwenda kwa ekalu. Mais lui, hein, lakini yeye, il est venu. Alifika. Il a ouvert les portes. Akafungua milango. Il a fait appel aux lévites sacrificateurs. Akaita walawi tena na wakuhani kujeni. Nous allons tuta purifier le temple, tuta osha kanisa, et encore les reconsacrer. Na kuyaitolea tena. Beaucoup de choses qu'il a fait dans ce sens-là. Du bien qu'il a fait. C'est, en quelques mots, le contenu du livre d'Ézéchias. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand il a roulé. Ensemble avec Dieu. Hein, la réponse de Dieu. Jibu ya Mungu. Nous retournons. Tunarudia. En Esaïe. Isaïa. Esaïe. Isaïa. Esaïe 38. Isaïa talasini namnane. La réponse de Dieu. Jibu ya Mungu. Verset 5. Va et dis à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici. Tazama. J'ajouterai à tes jours. Ta ongeza kumasiku yako. 15 ans. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. C'était ça la réponse il à sa prière. Dieu a ajouté Mungu au capital de ces années 15 ans. Nayo, parce que son capital était épuisé. Mana, la maladie kusha, là magondwa, allait l'amener à la mort. Il est aimé dans le Seigneur. La maladie. Nous devons savoir ceci. La maladie nous vole des choses. Iba vitu mbili. La première chose. Kitu kekwanja, la maladie ugonjwa, nous vole la force. Inatu iba ngupu. La deuxième chose. Na kia pili, la maladie, magonjwa, elle nous vole les années. Inatuiba miaka, elle nous vole les années. Inakuwa na iba si miaka, vous êtes toujours malade, kama uko tu mgonjwa, cette maladie là, ile magonjwa, elle vous vole la force. Inakuwa na kuiba nguvu, elle vous vole encore les nombres. Inakuiba pia masiku ya majioni yale. Mungu huyu tunakuwa kutafuta. Si hata kama ilikuwa welekee ya kusema utakufa hii mwaka, akongezee tena miaka ingine mjina la Yesu. Pokeeni miaka ingine, usitoshe kiasi. Pokeeni miaka, o Mungu ongeze ile magonjo aita kupeleka kutifu. O jioni ya akongezee miaka, etu naweza shangilia Bwana. O akongezee, akongezee. Mupendwa ndani ya Bwana. Afya njema leo. Aina kusema kesho atalukula. Ni kweli. Kuya mu afya njema leo. Aina kusema kesho atalukula. Tunaweza kuwa mgonjwa leo. Aina kusema kesho ataponeshewa. Kwa contradiction. Uzime na kuwa ni mapinga. Mupendwa ndani ya Bwana. Kama uko mu afya njema. Unaona kama uko mu afya njema. Omba Mungu tunakuwa kutafuta. Atuatie muafya njema. Oh ubakie muafya. Oh urudie muafya. Ubakie pa mbon sante. Que tu restes dans la bonne santé. Si vous réalisez que vous êtes malade. Mais comme on a un autre mgonjwa. Mungu tunakuwa kutafuta. Il va ajouter encore. Ataongeza. Ton capital d'année. Oh mumiaka yako. Mujina. Si vous croyez. Kiami, vous pouvez acclamer pour unaweza shangilia kwa Bwana. Nous le déclarons nom puissant de Jésus. Tunaitangaza mjina lake. Acclame, ce n'est pas pour moi que vous acclamez. Aina tu yangu napika kofi. Vous acclamez pour celui qui vous a donné. Unashangilia Dieu yule mimi. Cette santé là. Ile afya. Qu'il vous maintienne dans votre bonne santé. Mwenye anamitunga mu afya. Vous maintienne dans votre bonne santé. Amitunge mu afya. Vous êtes en bonne santé. Kama uko mu afya njema. Leo utalala chini. Aujourd'hui tu vas te jeter par terre. Tu es aide moi. Iba kieko pa. Que je reste dans la bonne santé. Que je ne tombe pas malade. Oh parce que la maladie. Et en train de me voler la force. Sans que de me voler les armes. tu es, guéris-moi quand tu es guéri. Oh, moi ce soir, guéris-moi. Je ne mourrai pas avec cette maladie. Tu ne mourras pas avec cette maladie. Oh, Mungu tunabi. Mungu tunabi. Il t'ajoute encore. Il t'ajoute encore les années. C'est la vérité. Alléluia. Amina. Nani anaona seme acha kufanya biote alikuwa anaganisha. Qui a entré de constater qu'il a déjà tout fait. Kufa kabashi wende. Alors tu mourras et puis tu nous laisses. Kufa wende. Tu vas nous laisser. Sema, banakowa, si tu as vécu, tu es déjà malade, tu as déjà mis en mort. Kusala, tu as déjà terminé à mettre au monde. Yako, tu as même eu tes enfants. Banaowa, et aussi ils ont marié. Ils sont aussi mariés. Oh, tu les avais appris. Et aussi ils sont chez eux. Alors tu es en train de travailler. Kufa tu wende. Alors tu vas nous laisser partir. Tu vas laisser des tomes sans manger. Si tu constates que tu as des choses à faire, tu vas prier comme tu n'as jamais Uta prié. Omba sa vila ya ombaka. Que Dieu bénisse sa parole. Bwana abariki neno yake. Amen. Amen. Amen. Amen. Vendredi chini, chez vous, tu pas parler chini. Vendredi chini. Kuangaria c'est mon amango ya bien, quoi, en bonne santé. Si tu as des bons vêtements. Mouille pas qu'à couler ton. Non, restez seulement là-bas. Restez seulement là-bas. Nous allons prier. Nous allons prier. Tout à homme. Ou tapis qu'à pas la musique ya koukoule. Tu vas jouer juste au piano. Vous avez besoin d'être en bonne santé. On a l'azimi chez vous. Priez pour votre santé. Omba, tu as affaire. Donc à partir tu parles. Tu vas laisser la chaise et nous prions. Si tu constates. Tu ne tomberas jamais malade. Un jour tu pourras tomber malade. Tu peux tomber malade un jour. Tu peux tomber malade un jour. Oh, ni bien query. Nous tous, nous allons se tourner vers Momi. Comme Ézéchiel s'est tourné vers l'ennemi. J'aimerais que tu pries. Que Dieu te guérit. Que Dieu puisse te guérir. Oh, tu connais mon moyen. Moyen où est-ce que tu es fini? Oh, ne pas. Oh, je. Non, non. Mungu va te guérir. Atakuponya. Il est capable de te guérir. Anaweza kukuponya. Il est capable de te guérir. Anaweza kukuponya. Nous sommes en prière. Tuko maombi. Omba sasa. Prie. Tulikuwa kuomba. Nous sommes venus prier. Tulikuwa kuomba. Nous sommes venus prier. Tulikuwa kuomba. Nous sommes venus prier. Tulikuwa kuomba. Nous sommes venus prier. Tulikuwa kuomba. Nous sommes venus prier. Tulikuwa kuomba. Nous sommes venus prier. Tulikuwa kuomba. Nous sommes venus prier. Tulikuwa kuomba. T'es venu prier. Tu es en bonne santé. Si tu es en bonne santé. Omba, kiepa kwa bonne santé. Prie que tu restes en bonne santé. Mais si vous êtes malade. Mais comme comme quoi? Appelle à Mungu. Oh, tu es prié. Oh, je suis en belle à Mungu. Oh, viens de papa, ma vie à l'air. La prière d'aujourd'hui. Comme tu as juste miaka. A été qui a été l'état. Oh, moi aussi ce soir. Que tu ajoutes. Que tu ajoutes. Que tu ajoutes. Et pour te servir. Moutine à la Yos. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. Je me rectata. Oh, garde. Prie Dieu. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu puisse te donner la. Que Dieu te guérit. Que Dieu te guérit. Qu'il te guérit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'il te guérit. Qu'il te guérit. Prie. Oh, prie. Oh, verse-le là. Tu as besoin de voir les gens qui versent de l'eau de là. Oh. Omba, omba, omba, prie. Je mérite d'attendre. Nous sommes venus prier. Or, plaire. Je Oh Seigneur, Yahweh, la Kakumbuk, non, je n'ai rien. Souviens-toi, Père. Que Dieu te souvienne. Ezekias, Ona machozi ya kila mmoja, sikia maombi ya kila mmoja. Bwana utuponye, utuponye Bwana. Bale be kwa bonne santé, baba kie paka vila bonne santé. Baba kie paka vila bonne santé. Baba kie paka vila bonne santé. Baba kie paka vila bonne santé. Baba kie paka vile. Alléluia. Magonjwa, inetui bandufu. Magonjwa, inetui bamiaka. Tunakatala, tunakatala ile. Tunakatala ile. Paka vile Ezekias, aliweza kukatala, aliweza kukatala. Il a refusé de donner les eaux. Nous aussi nous refusons de donner les eaux. Nous croyons que les dieux, les dieux que nous sommes venus invoquer, les dieux que nous cherchons, il est capable de nous guérir. Il est capable de nous guérir. Il est capable de nous maintenir en bonne santé. Alléluia. Bwana, mangaribi yale, ni mangaribi yanan, mangaribi yawe kutenda, miaka, ajoute les années, ajoute les années. Même si les mondes des ténèbres avaient déjà décidé, avaient déjà décidé, avaient déjà décidé, avaient déjà décidé, avaient déjà décidé. Les awalusa, chanaf metuyen, tukombele yasoya, tukombele yasoya, tukombele yasoya, tukombele yasoya, tukombele yasoya ko, bele yasoya ko papa. Thank you.

Alléluia. Bana tufundisha bintu bikubwa mangaribi ya leo. J'aimerais que la muntu amkaribie Mungu na ma contenu fulani. Tume Ezekias wakati anamkaribia Mungu il s'est approché face contre mur. Anamkumbusha Mungu nilikutumikia na nguvu yote. Mina penda pendant quelques minutes. Wakati unamkaribia Mungu umwambie kwa Mungu bile wewe unafanya. Uko namfanishia Mungu. Uta comprendre importance ya kumtumikia Mungu. Na ta comprendre que ni bintu bina tenke chaque kitu kya Mungu. Mungu mina kuyenge. Mungu niko natembea cho kubiri neno lako. Mungu makuta yangu ikosea kukutumikia. Kama mimi naona maskini, mimi namfanyisha quelque chose. Bien aimé, il y a des versets qui disent que mon cœur, ma main ne s'est pas arrêtée devant l'indigent. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Si tu te tiens devant le Seigneur, Mangari Bialeo, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Alors si tu n'as rien, dis-lui quelque chose. Mais mina penda, kupitia ce que tu fais pour Dieu. Dis mena Seigneur, guéris-moi, bénis-moi, débloque telle situation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier. Anza koum. Ezekias anakuambia Mungu, nilikutumikia. Il savait que travailler pour toi était source de bénédiction, était source de guérison, était source de différence de voir la main de Dieu. Baba. Angaria kanisai. Kumbuka makapa de vandalisation. Kumbuka batu banamini. Kumbuka. Oh yes. Dans ma maison. Dans ma vie. Ma main ne s'est pas retirée pour elle. Je n'ai pas hésité de me tenir devant toi. Même malade pour proclamer l'évangile. Oh ce soir. Souviens-toi. Mungu akukumbuke. Mungu akukumbuke. Wewe unatumikia Mungu. Hii kazi yako iseme leo kumbele ya Mungu. Hata kifu kilikaribia. Mimi Mungu akumbuke ile kazi yako. Hata mlima Mungu magonjwa. Mungu akumbuke ile kazi yako. Mungu akumbuke ile ofrandi yako. Mungu akumbuke kulipa. Pale na kwako. Mungu akumbuke kutembea kwako. Tu ya injili. Mungu akumbuke mapendo yako. Tu ya kanisa yake. Oh merci Seigneur. Baba tunakubariki. Tunakubariki Baba. Tunakubariki mangaribi ya leo. Seigneur, mina confirmé ma ombi ya batumishi yako. Parce que leo, utakumbuka kila mumoja. Na kupitia ile kukubilo tafwanya. Kuko miaka utongeza. Kuko bibaya bitabadilika minakuwa bizuri. Kuko kirio kitabadilika kinakuwa furaha. Kuko magonjwa itabadilika na kuwa matunzu. Parce que wewe Mungu unakuwa fidèle. Oh merci Seigneur. Jéhovah, je bénis ton nom. Je bénis ton amour, ta bonté, ta présence. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que ton nom est appliqué à mon goût et ton micro? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous passons aux offrandes pendant que Coral n'a tout indiqué ça avant de s'ouvrir le communiqué. Aussi à celui qui manque pour que la fin, éternel Dieu, qu'il puisse aussi offrir, éternel Dieu, ensemble avec ceux qui ont pu donner l'œuvre de leurs mains. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié en disant Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et nous invitons parfois pour la suite. Donnons le programme. Demain, samedi, 7h30, nous avons intercession. Soyons là pour prier. J'encourage l'Église à prendre certains programmes à cœur et au sérieux. Tu vois quoi, intercéder, c'est des sujets. Nous qui sommes à l'intercession, donnons des sujets de prière. Nashibale a trouvé qu'on soit comme ton akouya, tombé vraiment canissa. Tu connais ma sujet fulani, ton tombé canissa. Et comme je le dis toujours, quand on donne, on dit ce mois c'est tel thème. Nous prions par rapport à ça et en même temps nous ajoutons la vision de l'Église, le travail que l'Église a à faire. Cela dans tous les départements, dans toutes les commissions, ça montre que intercesseurs, nous sommes attachés à l'œuvre. C'est très important. Donc demain, soyons là à 7h30 pour l'intercession. Après-midi, les chorales répètent. Et la JPC en Jean-Christian s'est confirmée pour demain. Ok, demain, tous les jeunes de la JPC sont invités d'être ici. À quelle heure? 7h30. Donc ils sont ici à 7h30. Ils ont une excursion. Excursion, donc Batatoka, Batenda pour visiter Kyubo, c'est Kyubo. Ok, JPC, Batenda Kesho Kyubo, aller-retour, à Bakwe Busubui, 7h30, donc envoyez tous les jeunes pour leur excursion. Nous attendons Moussa. Excursion, ça c'est de quoi? Ok, quand on a coupé Mbéa, le Kukubo, Kshabata Somburia, donc demain à 7h30. Dimanche, 8h, nous avons intercession, prière des serviteurs. De 8h à 8h30, et après, nous avons notre culte de bonnes nouvelles. Soyons là et que Dieu nous fera du bien, Dieu nous visitera. Voilà le programme de la semaine, nous allons vous donner ça le dimanche. Nous nous tenons debout. On commence à remercier le Seigneur pour bien-aimé, et des objectifs avec le Seigneur. Baba Ksanti, mina bariki china lako mangaribi ya leo. Déjà weekend dans we Mungu rituchunga. Et jina lako isifiwe. Tulitembea, tulilala, tulilamuka. Neema yako haituachi. Mimi nakubariki Mungu. Mungu anatulinda na tutunza. Mungu anatuprotege. Mungu anatupenda. Mungu bariki kanisa lako. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui ont des problèmes trouvent solution. Que ceux qui pleurent soient consolés. Que ceux qui ont des projets reçoivent l'accomplissement de leurs projets. Seigneur, merci. Bénis ton peuple. Que ta grâce soit au milieu de cette église. Que je recommande entre tes mains. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Nous prions au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.